J'aimerais dire combien on souffre dans nos sites tous les jours. C'est la merde, on vit dans la haine, dans la joie, après de la peine. Mais merde, on n'a rien fait au ciel pour que nos cœurs perdent leurs ailes. Qu'avons-nous fait à Dieu pour qu'il nous balise de ses cieux? On se tue à la tâche, malheureusement jamais ça ne marche. On reste dans la misère, près de la haine, rempli de peine, plein de rancœur et de malheur. Voilà comment sont nos cœurs. Sans arrêt, nos familles pleurent, car on se fight pour vivre, mais on meurt. Notre amour est mort, la drogue, on n'en voit plus d'un à la mort, malheureusement. Dieu créa la joie, mais il créa aussi la peine. Le temps est une menace dont lui-même ne peut se défaire. Des fois, je me demande comment on fait pour survivre sur ces champs où sans cesse explosent nos mines. Mais la terre est un champ de bataille sans limite. Tous les jours, des familles pleurent, mais d'autres sourient. Nous devrions tous pouvoir sourire sans peur, avoir peur de mourir. Hein, la misère ou la galère, on la voit, on la sent, mais on ne peut rien faire contre elle. Elle nous tue, elle nous envoie en taule, et pour ça, elle sait qu'il faut prendre. Elle choisit les jeunes qui sont pauvres, elle fait descendre la pente. Pour remonter, ils doivent foutre la merde, finir à la rue comme beaucoup. Cette pute de rue nous tue tous les jours et nos morts pour vivre cette galère. Battons-nous pour la joie, battons-nous pour la vie. Aidons nos cœurs à revivre le bonheur d'être en émoi. Nous devons combattre l'inégalité, ainsi la vie ne pourra être que liberté. Car la France dicte les lois, mais elle ne les respecte pas. France, tu dis liberté, égalité, fraternité, mais aujourd'hui t'as enfermé tous nos frères, tu laisses crever les pauvres et t'as tué l'égalité. France, tu fais vivre la richesse et fous le reste dans la misère. Tu devrais avoir honte de nous laisser crever dans nos têtes. On ne mérite peut-être pas la richesse, mais on ne mérite pas les bombes que tu nous envoies sur nos âmes. Mais merde, France, arrête de nous attrister, on t'aime mais on peut plus résister à tes attaques incessantes qui font rage. Arrête de nous tuer chaque jour qui passe. Essaie plutôt de nous sortir de la crasse. Fais-nous vivre ta joie et pas dans la souffrance dans laquelle tu te noies. France, des fois je te hais, des fois je t'aime. Mais en plus souvent, quand on parle de toi, on a de la peine. Car sans cesse on te complimente. Mais toi, tu ne sais que faire vivre nos tourments. Sache que les gens de tes ont un cœur. Même sans le montrer, ils ont une âme. Ils n'ont peut-être pas la pitié, mais ils ont plein de rancœur car ils veulent avoir ce qu'ils méritent sans exprimer leur rage. Sans arrêt, tu nous envoies pourrir en prison, ça n'arrangera pas les choses. Au contraire, plus t'en envoies en prison, plus ça empire et plus on perd nos sauces. On est peut-être de la tête, mais sache qu'on a un cœur, on ne le montre jamais, mais des fois on pleure, on se cache car on a honte. Honte de pleurer car tu nous détruis. Merde, France, arrête tes survies, fais-nous sortir de la zone. Putain, notre tête c'est notre vie, on y est presque tous, mais c'est pas ici aussi que beaucoup d'entre nous perdent leur vie. Hein, ça marque tout le monde quand l'un d'eux nous fait tuer. Sortez-nous de là pour qu'on puisse aller au-delà.